du pur esprit. Non. C'est la vie au bout. Non, je peux pas vous mettre du lac comme ça. Pourquoi commencer à mettre des dessins sur les murs? Si le secret est dévoilé, c'est comme un barrage qui explose.